Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue aujourd'hui dans l'émission Portrait d'artiste, où nous avons la chance d'être reçus par Grégory Brunsberger, artiste peintre, musicien, un homme aux multiples talents. Donc tout d'abord, bonjour Greg. Bonjour Romain, et merci en tout cas de m'avoir fait l'honneur de faire l'interview avec moi. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté. Alors Grégory, ce que je te propose, on fait l'émission en deux temps. Un premier temps où tu nous parles un petit peu de toi qui t'es dans la vraie vie. Donc, je crois savoir que tu fais des choses avec un toutou qui s'appelle Hugo. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Hugo ? Alors, avec Hugo, en fait, si tu veux, Romain, et ça me fait plaisir que tu me poses cette question, avec des associés, on a l'amour des animaux. Et en fait, il y a un concept qui vient des États-Unis, c'est il y a une dizaine d'années à peu près. On a appris que les chiens, en fait, détectaient un tas de choses. Et les punaises de lit aussi. Et si tu veux, on se rend compte qu'on a énormément de nuisibles, et un nuisible qui est difficile à détecter, à éradiquer, c'est la punaise de lit. Et là, le chien intervient. Donc, il y a l'amour des animaux. Il y a aussi la volonté de pouvoir régler des problèmes que certains ont et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. En plus, ils ont du mal à les éradiquer, c'est la punaise. Et en fait, nos chiens arrivent à les éradiquer. En l'occurrence, Hugo, qui a été entraîné exprès pour ça, voilà, et qui a commencé à travailler maintenant, il y a 2 mois, sur Nancy. Mmh, d'accord. Donc, tu es artiste peintre, et puis en même temps, dans ton quotidien, en fait, tu proposes la détection de punaises de lit avec Hugo, ton chien, qui a été formé spécialement pour reconnaître ces insectes fort, fort embêtants. Exactement. En fait, si tu veux, alors bon, tu dis que je suis artiste peintre, effectivement, sous le nom de Grégory Brunsberger. Mon nom, en fait, c'est Grégory Tardo. C'est le nom de mon père, donc c'est... Voilà. Et sous le nom, en fait, de Tardo, j'éradique avec associé les punaises de lit sur Nancy et son agglomération, donc grâce c'est, à Hugo. C'est un nom, c'est une société, ça porte un nom là. Alors oui, bien sûr, cette société s'appelle Flairtou Nuisible. D'accord. Voilà, on peut la trouver très facilement. Facilement sur Internet, Flairtou Nuisible. Exactement. D'accord. Si tu veux, Romain, il y a une loi qui s'appelle la loi Elan, qui dit en fait que tu dois louer un logement décent. Mmh. Un logement décent, en fait, il est exempt de nuisibles. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, c'est une société qui vient d'être créée, donc on n'a même pas encore fait de publicité, ni quoi que ce soit, mais on nous appelle déjà, parce que, si tu veux, ce nuisible... Mais tu as beaucoup de sollicitations par rapport à cette activité. Oui, oui. Ce qui te laisse moins de temps pour la peinture, malheureusement. Alors, il me laisse moins de temps un petit peu pour la peinture, mais bon, en même temps, je dors peu. Mais, mais en fait, l'amour des chiens, ce problème en fait, de nuisibles qui a touché ces 7-8 dernières années à peu près 10 millions de personnes en France. D'accord, hein, c'est conséquent. Ouais. C'est conséquent, il faut le savoir. Donc, Hugo, il est là sur Nancy, sur l'agglomération nancéenne, pour détecter en fait les punaises, ce qui permet en fait de pouvoir faire un traitement qui est pas chimique pour la plupart des cas, parce que il aura flairé l'endroit et on pourra faire un traitement naturel et non invasif en fait pour les propriétaires ou les locataires. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de déplacer tous leurs meubles, aller dormir chez leurs parents, etc., etc. Hugo, tu proposes comme un diagnostic, en fait, avec Hugo ? Alors, bien sûr. Une fois que Hugo est passé, Hugo marque en se couchant devant le nid de punaises, ce qui permet au désinsectisateur de pouvoir traiter uniquement la zone. D'accord, mais ça, c'est pas ton travail, la désinsectisation. Alors, la désinsectisation, nous, pour l'instant, nous sommes que de la détection. Mmh. On travaille, bien sûr, avec un désinsectisateur, mais nous, en fait, on va justement cibler pour justement permettre au désinsectisateur de pouvoir traiter de manière non invasive. Mmh. Voilà, on travaille pour des logements sociaux, on travaille pour du Airbnb, on pense en fait que les hôtels, les cinémas, tout le monde pourra nous contacter bientôt. En fait, la punaise de lit, c'est un sujet tabou. La punaise de lit, c'est quelque chose, quand on en a, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que la punaise de lit, elle vient chez toi, par des trajets, il n'y a absolument rien à voir avec l'hygiène. C'est un ami que tu reçois, qui a fait un voyage, et qui te les ramène dans ses bagages. Mmh. Voilà. Ça peut se transmettre avec une chaussure, une paire de chaussures. Ça peut se transmettre dans un sac à dos, ça peut se transmettre dans une valise, ça peut se transmettre dans un transport en commun. Comment tu sais que tu as des punaises de lit alors ? Alors, tu le sais pourquoi en fait ? Tu le sais parce que tout d'un coup, tu as des piqûres. Ah oui ? Tu as des piqûres en fait sur des zones, par exemple, c'est simple, hein, ce sont à chaque fois les zones qui sont les zones non couvertes de ton corps. On l'appelle punaise de lit, pourquoi ? Parce qu'elle est à côté de ton lit. Elle est à côté de ton lit, elle réagit au battement de ton cœur, au dioxyde de carbone que tu dégages, à ta respiration. Donc, quand tu es dans ton lit, elle est installée à proximité, elle sent tout ça, elle sort sa cachette et elle vient de piquer. Une fois qu'elle t'a piqué, elle revient dans sa cachette. C'est un insecte extrêmement pernicieux. Et voilà. C'est extrêmement petit aussi, c'est grand comment une punaise de lit ? La punaise de lit a 6 stades, en fait. Elle est une nymphe, elle est vraiment un bébé. Il faut savoir qu'une femelle punaise fait à peu près 6 œufs par jour. 6 œufs par jour, ça va vite. Donc, ça va extrêmement vite. Plus tard on le détecte, plus il y a une prolifération. Exactement. D'où l'utilité en fait, d'un chien détecteur. C'est-à-dire que dès les premiers symptômes, dès les premières piqûres, on appelle Hugo, on va pouvoir justement désamorcer toute cette escalade. Voilà. Et on travaille avec du vivant. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les outils nécessaires pour pouvoir l'éradiquer sans produits chimiques, en tout cas. Quand il y a une infestation qui est importante, bien sûr, on est obligé d'utiliser un produit chimique. La méthode est invasive. Il faut demander en fait au propriétaire de partir, de traiter avant. Mais Hugo, au départ d'une infestation, lui, va pouvoir cibler et on va pouvoir traiter très rapidement. Un traitement chimique, c'est cher. Partir de chez soi, aller chez ses parents parce que l'appartement est traité, avoir ses animaux, on a des animaux de compagnie, il va falloir les ramener, sortir ses matelas, ses sommiers, ses canapés. Grâce à un chien en fait de détection, on arrive justement à cibler très rapidement et à pouvoir traiter facilement, de manière naturelle, non invasive. Et c'est là où c'est génial. Par contre, bien sûr, un chien de détection, c'est énormément de travail. Un chien de détection, c'est un athlète de haut niveau. Voilà. C'est un flair extraordinaire. C'est une volonté. C'est faire plaisir à son maître. C'est un binôme. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Il veut faire plaisir à son maître. Donc, il va détecter précisément où se trouve le nid. Et on va pouvoir justement éradiquer. Tu as des super retours du goût. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu fais la détection de punaises ? Alors c'est une société qui est extrêmement récente. Si tu veux, vu que c'est un concept, et d'ailleurs je pense qu'on est en avance sur tout ça, beaucoup... C'est pas un diagnostic obligatoire ça aujourd'hui ? Alors, c'est pas un diagnostic obligatoire la punaise de lit, effectivement. Ça pourra le devenir peut-être un jour ? Ça devrait d'ailleurs. C'est même pas que ça pourrait, c'est que ça devrait. Aujourd'hui... Tu as un diagnostic DPE, tu as l'amiante, tu as le plomb, tu as absolument tout qui intervient. Bon, l'amiante, personne ne va découper un tuyau en amiante. Personne ne va lécher une peinture avec du plomb. La punaise de lit, si elle arrive, tu as en fait un gros problème parce qu'elle va envahir ton appartement, elle t'empêchera de dormir et dans le cadre de la loi Elan, si tu veux, tu dois donner un logement décent à ton locataire. Et ce logement décent, c'est ni plus ni moins qu'un logement sans punaise. Voilà. Et la punaise, derrière, tu vas devoir changer ton matelas, ton sommier, ton canapé. Parce que si tu as une infestation d'un haut niveau, tu seras obligé vraiment de tout foutre en l'air. Voilà. De traiter, si c'est possible. Mais quand vraiment l'infestation est importante, tu n'auras pas d'autre choix que de tout libérer dans ton appartement, ce qui aura un coût énorme. Et souvent, des gens qui ont un petit peu d'argent, bien sûr, pourront faire une désinsectisation. Mais des gens qui n'ont pas forcément les moyens vont se retrouver devant des coûts qui seront énormes. Et la punaise de lit peut se mettre dans des livres que tu aimes, elles peuvent se mettre dans des cadres qui sont contre tes murs. tu vas pas jeter tout ce qui était cher. D'accord, merci Greg. Donc on a bien compris à quel point la détection de punaises de lit était une activité présente actuellement pour toi et dont tu nous sensibilises. Et d'ailleurs, on t'en remercie. On va revenir tout de suite après cette première pause musicale sur la seconde partie de l'entretien où Greg va nous parler davantage de son domaine artistique. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that one? Born in a cold. De retour dans l'émission Portrait d'artiste avec Greg Brinsberger que nous recevons aujourd'hui. Voilà, nous arrivons donc dans la deuxième partie après cette pause musicale où Greg va nous parler davantage de son domaine artistique. Précisons qu'il est également musicien et peintre. Comment nous définirais-tu ton univers, Greg ? C'est une question qui est extrêmement vaste. Pour tout définir, je suis amoureux du présent. Donc c'est le présent que tu peins ? Oui. En fait, tout est présent pour moi. C'est-à-dire que le passé, c'est la nostalgie. Le futur, c'est des questions. Le présent, tu peux l'appréhender. Le présent, tu peux le rendre beau. Le présent, tu peux en jouir. Le présent, c'est quelque chose en fait que tu empoignes et que tu peux transformer pour qu'il devienne quelque chose d'extrêmement beau. C'est carpe diem. C'est, bah tiens, je suis avec toi, je suis heureux d'être avec toi et je me sens bien d'être avec toi. Ça fait plaisir d'entendre la, voilà. La radio. Et tu vois, quand je peins en fait une toile, je m'inscris dans le présent. C'est-à-dire que je m'inscris dans la fraternité. Quand je suis avec mes frères, mes amis, je m'inscris dans l'amour. Quand je suis avec la femme que j'aime, je m'inscris en fait dans la paternité. Quand je suis avec mon fils, je m'inscris dans la spiritualité. Quand j'entends les musiques splendides des spiritualités en fait qui m'entourent, et toutes, je les embrasse. Je dirais bien toutes, sans jamais d'extrémisme d'ailleurs. Hein. J'aime pas en fait qu'on aille trop loin des fois dans un rigorisme. Greg Brinsberger réalise souvent des toiles très colorées, avec une façon un petit peu naïve. La dernière note était sur une représentation d'un cœur. Tu as fait aussi beaucoup de choses avec la place Stanislas ou la pépinière qu'on a pu retrouver à l'autre galerie. Comment tu qualifierais ta façon de faire en fait ? Ma façon de faire, elle est extrêmement simple. J'essaye de me coller aux émotions en fait de l'autre. Donc c'est une peinture émotionnelle ? Non, mais est-ce que ça correspond à du figuratif, de l'impressionnisme ou comment tu décrirais ton art ? Il n'y a pas de figuratisme, il n'y a pas d'impressionnisme. Il y a l'amour du présent. C'est-à-dire que quand tu sens que quelqu'un a envie de toi, dans un sens, hein, bien sûr, fraternel, émotionnel, tu as envie de lui répondre de la même manière. C'est extrêmement rare, l'amour, aujourd'hui. J'aime beaucoup en fait une phrase, c'est une phrase de Malraux qui dit « L'art, c'est le chemin le plus court entre un homme et un autre homme. » Voilà. Donc, je suis dans cette logique. C'est-à-dire que j'aime le symbolisme, j'aime la fraternité, j'aime l'amour, j'aime les émotions. Et ces émotions, elles me nourrissent pour pouvoir peindre. Quelque part, c'est tu partages à travers tes représentations. Tu partages ta sensibilité du moment présent, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comment veux-tu dire non à quelqu'un qui te dit qu'il t'aime ? Peut-être qu'il ne te plaît pas. Alors, oui, il pourrait, en fait, peut-être ne pas me plaire totalement, effectivement. Mais par contre, s'il te dit, en fait, qu'il t'aime, je pense que la moindre des choses, c'est de l'écouter. C'est ça, la fraternité. C'est ça, en fait, de vouloir épouser une cause qui pourrait être une cause commune. Grégory, moi, j'aimerais bien, en fait, que tu puisses exposer chez moi ou j'aimerais bien un tableau, j'aimerais bien faire une commande. Je donne tout ce que j'ai, en fait, en moi. Pour chaque tableau, tu le fais avec la même envie de partager cette sensibilité. Je n'ai pas de retenue par rapport à l'envie quand je sens qu'il y a une volonté de venir dans mon univers. D'accord, il y a les chats aussi que tu aimes bien. Alors, que tu présentes souvent. Les chats, bien sûr. Mais pas uniquement. Il y a les chats, mais il n'y a pas que les chats. Il y a les chats, il y a le perroquet que tu dois entendre. On entend un petit peu, oui, Oscar. Un petit peu. Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé le contexte. Grégory nous reçoit dans son atelier et appartement. Et dans son atelier, il y a un magnifique perroquet rose, Oscar, qu'on peut peut-être entendre. Ouais, je pense qu'on l'entend un petit peu. Il participe, des fois il rit. J'ai l'impression qu'il me comprend. Je pense aussi qu'il me nourrit. Hein. Mais comme tous les êtres vivants qui sont autour de moi peuvent me nourrir, j'ai un profond amour pour tout ce qui est autour de moi. Je pense qu'il n'y a que ça qui compte. J'ai trop la certitude qu'actuellement le monde va à volo. J'ai une peur des distensions, j'ai une peur des séparatismes, j'ai une peur de tout. Alors que le monde vivant doit se retrouver. Et c'est ça, en fait, qui est ma seule motivation profonde. Donc, si je comprends bien, à travers tes transcriptions symboliques du moment présent, tu veux repartager le sentiment d'amour, l'émotion d'amour, dans cette idée de revenir à des choses, d'un monde dans lequel on s'entendrait mieux, où il y aurait moins de séparatisme. Dimension assez universelle, quand même, dans ce que tu proposes. Oui, mais ne croyons pas que je sois dans le milieu des bisous. Je me rends bien compte que l'équilibre n'existe plus. L'équilibre est fragile. Un artiste, d'ailleurs tu es un artiste aussi, Romain. Un artiste, c'est quelqu'un qui essaye de réunir les autres. La seule volonté, c'est ça. Quand tu fais, toi, une toile, Romain, tu le fais par amour. Tu le fais parce que tu as envie de transmettre quelque chose qui est dans ton cœur. Moi, c'est exactement la même chose. Moi, je veux aussi transmettre quelque chose qui est dans mon cœur. J'ai envie de transmettre l'amour que j'ai pour les gens que j'aime. J'ai envie de connaître d'autres personnes que je vais aimer. J'ai cet espoir d'un amour infini, quelque chose qui va courir, qui va s'élargir, quelque chose d'épanoui, quelque chose de joli. Et c'est tout, en fait, ce qu'est un artiste. Un artiste, il ne doit pas réfléchir à « je vais vendre une toile, je vais vendre une sculpture, je vais vendre un morceau de musique ». Un artiste, en fait, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose qui vient de son cœur, mais dans le plus profond de son cœur, et qui va le diffuser, et qui même me suive. Mmh. Tu vois ? C'est vrai que tu es musicien aussi, en même temps, donc... Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais comme musique ? Alors, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, des musiques pour des courts-métrages. Je continue à composer beaucoup. Et en fait, c'est vrai que la peinture a été un accident dans ma vie, c'est-à-dire que à un moment, il y a une quinzaine d'années, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai eu mon fils en même temps, et j'avais pas de piano pour composer, j'avais absolument rien. Et j'ai acheté une toile, j'ai commencé à peindre. Je pense que... Tu peux traduire ton besoin de créer par la toile au lieu d'avoir ton... Ouais, là, mais tu sais, la peinture, l'écriture, la composition, piano, batterie, guitare, tout ça, c'est l'égrégore. L'égrégore, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout d'un coup, on se réunit autour d'un sentiment profond, d'un sentiment qui vient des tripes, du cœur, de tout ton corps, quelque chose qui te fait frissonner. Tes doigts, tu les sens plus, tes oreilles bourdonnent, ton cerveau, voilà, tout échappe. Et c'est ça, en fait, qui fait l'égrégore. Et c'est ça, en fait, un vrai artiste. Donc tu t'épanouis, tu te... Ça veut dire que tu fais une peinture, t'es un peu en transe quand tu... Je suis pas en transe. Alors je te cache pas, je travaille le soir, la nuit, je travaille le matin très tôt. Après, je redeviens Grégory Tardo, c'est-à-dire la détection de punaises, la gestion... Oui, tu reviens dans tes activités professionnelles. Voilà. Parce... D'une certaine manière, c'est un exutoire, en fait, à un monde... Un monde, je dirais pas d'une violence importante, mais d'un monde où tout le monde s'échappe. Oui, c'est une évasion, c'est un moyen d'évasion, c'est certain. C'est... Totalement. Je m'évade, je m'évade. Je rencontre un autre public. Des fois, ce sont les mêmes personnes, mais ce sont des personnes, finalement, qui changent elles aussi. Elles ne se reconnaissent plus et tout d'un coup, elles peuvent se reconnaître. Dans ce que ton travail, ou du tien d'ailleurs, parce que j'aime parler des artistes. Et j'aime parler des artistes. Très généreux. Et non, c'est pas de la générosité, Romain. En fait, si tu veux, on a besoin de personnes comme toi. Il y a beaucoup d'artistes à Nancy, on pourrait en parler. Il y en a beaucoup. Oui, et tout le monde mérite. Tout le monde mérite, parce que je pense que tout le monde, au fin fond de leur cœur, ont exactement la même envie. Il y a une sensibilité, probablement. Voilà. Partager. On a envie d'aimer et d'être aimé. Bien sûr. Mais voilà. Est-ce que c'est un sentiment qui existe encore aujourd'hui ? Il faut. Qui doit exister ? Il faut se battre pour, justement, que ce sentiment-là, en fait, gagne sur tous ceux qui sont, en fait, des sentiments souvent de haine, de volonté, de mettre l'opprobre, la volonté, en fait, de séparer, de soumettre. On doit, en fait, être solide, être un bloc d'émotion, un bloc d'amour, un bloc de fraternité. c'est uniquement ça. Quand on est tous les uns contre les autres, épaules les unes contre les autres, on a gagné. On a gagné et on vit tous mieux. Tous mieux. C'est la seule chose que j'ai à dire. Et moi, je dédie juste, en fait, cette interview qui est la première que je fais à la radio à ma mère, mon fils et ma chérie. Eh ben super, merci Grégory Prince-Berger de nous avoir reçus dans ton atelier pour cette interview. Et Romain, moi je souhaite te remercier et je souhaite aussi dire que Romain Marie, c'est un putain d'artiste. J'aime pas dire des gros mots, mais voilà. J'aime dire en fait que j'ai la chance d'avoir une toile de Romain à la maison et à chaque fois que je passe devant, j'ai beaucoup d'émotions. Merci Romain. Merci infiniment. Alors pour, juste pour conclure, peut-être peux-tu nous rappeler où est-ce qu'on peut voir actuellement tes travaux, tes œuvres ? Bah, mon atelier, il est ouvert tout le mois de décembre. Après, j'ai eu la chance pour les éditions d'Hervitre et Daniel de faire un jeu de tarot divinatoire qui s'appelle, et d'ailleurs c'est la plus grosse maison d'édition de jeux de tarot pour toute l'Europe. Et je suis en train de leur faire... Et bon, il est terminé et il sera diffusé en 2025. Ce sera en fait le jeu de tarot divinatoire du 21e siècle, fait par Hervitre et Daniel, dans le 15e arrondissement à Paris. Mmh. Voilà. Okay. Donc, les jeux de tarot seront bientôt à vendre. D'accord. Très bien. Merci encore pour ton accueil, Grégory. Et à très bientôt sur les ondes de la radio Fagette. À très bientôt, Grégory. Salut. Salut.